écoute, ô Dieu, la voix de ma plainte. Protège ma vie contre la terreur. Cache-moi des complots des méchants, de la foule, des ouvriers d'injustice. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs flèches, paroles amères. Ils frappent en secret l'innocent, sans crainte et sans pitié. Ils disent qui nous verra. Ils ourdissent leurs pièges en secret. Ils sont dans l'abîme du cœur humain. Mais Dieu les atteindra de sa flèche soudaine. Alors tous craindront, ils proclameront l'œuvre de Dieu et comprendront ce qu'il accomplit. Le juste se réjouira en l'éternel. Tous les cœurs droits se glorifieront.